Alors, tu l'as vu? Comment ça s'est passé? Très bien, je sors de mon rendez-vous. Je vais rédiger mon papier tout de suite. Mais raconte-moi! Elle est comment? Ça s'est passé où? Elle est descendue dans un petit hôtel très chic, mais romantique, près du boulevard Saint-Germain. Tout d'abord, elle m'a invité à prendre un thé avec elle. Puis je lui ai demandé pourquoi elle était à Paris. Elle m'a répondu qu'elle venait faire la promotion de son dernier film. Elle m'a raconté que c'était l'histoire d'une pauvre immigrante qui arrivait en Californie dans les années 20 et qu'elle avait adoré son personnage. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Elle est comment? Je l'ai trouvée comme à l'écran. Blonde, bien maquillée, dans une splendide robe rouge. Et séduisante, bien sûr. Merci beaucoup pour les détails. Et après? Après, elle m'a dévoilé ses projets. Elle m'a appris qu'elle tournerait bientôt dans une série policière où elle jouerait le rôle d'une psychologue. Et après? À la fin, son assistante est venue la prévenir que le journaliste suivant était arrivé. Je l'ai donc remercié. Et me voilà. Tu auras tous les détails dans mon article demain matin. Tu es désespérant.